Dis-lui que je pense à lui, que même si je ne suis pas là, mes nuits ne sont plus que rêver insomnie. Dis-lui que je l'aime, que je l'aime, que je suis une femme qui rêve, que mon cœur est à lui. Laisse reposer ton cœur, ma chérie, crois-moi. Ton bébé d'amour, il se bat pour toi. La mer vous sépare, on t'y a sabra. C'est l'amour qui vous fait vivre. Il m'a dit jamais, il ne sait. Pas le beau et brique ou belle ou mec. Non, jamais, il ne sait. Même si t'y a des kilomètres. Il m'a dit que j'étais toute sa vie. Ou qu'elle jamais. S'il va bien, j'ai plus de nouvelles. Je t'en prie, dis-moi s'il te plaît. Est-ce qu'il m'aurait oublié? Lui, mais je te jure que moi non plus, je comprends pas. Ça fait des mois qu'il vient plus nous voir. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois. Je sais qu'il traîne tard le soir. Tu vas préparer ta valise pour venir sur Belize. Parce que votre amour a dépassé les frontières. Quand t'arrives pas de panique, ce qu'il fait c'est pas logique. On verra si l'amour a vraiment des barrières. Il m'a dit jamais il ne sait. Pas de beau et brique ou belle ou mec. Non jamais il ne sait.